طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، on commence aujourd'hui le cours numéro 62 dans l'explication du livre de Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen rahimahullah à propos de la aqidah d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, et avec le sharh du Cheikh lui-même de son propre livre. Et on est arrivé maintenant à l'endroit dans le premier pilier. On est toujours dans l'explication du premier pilier de l'islam, qui est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et en particulier les questions qui ont rapport avec al-asma wa sifat. Et on est à la fin donc de cette première partie du livre, et on est arrivé à l'endroit dans le livre où le cheikh il explique, il dit wa min tariq al-mu'attilin laha wa min tariq al-mu'attilin laha alladhina 'attaluha عن مدلولها الذي أراده الله ورسوله. Donc il faut comprendre que ça c'est la suite de la phrase du يعني de la fin du dernier cours. Lorsque le cheikh dit ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله إلى غير ما أراد الله بها ورسوله ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراده الله ورسوله. Donc pour expliquer donc qu'est-ce qu'on vient de lire en arabe, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, pardon, le Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, il dit: et nous nous désavouons de ceux qui falsifient, qui déforment le sens des textes en leur donnant un sens différent que celui que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, ainsi que son messager. Et la partie qu'on commence à expliquer aujourd'hui, c'est lorsqu'il dit et nous nous désavouons de la voix de ceux qui nient la réalité de la signification de ces textes et qui veulent dénaturer les versets de leur sens, qui veulent retirer des textes ou des attributs leur sens et leur signification en les niant, et c'est ce qu'on appelle en arabe at-ta'til, c'est-à-dire le fait de rendre quelque chose inutile ou de rendre quelque chose sans aucune utilité ou sans aucun point bénéfique. Donc le cheikh il va expliquer de toute façon qu'est-ce que c'est at-ta'til et les détails de ça. Il dit également que, c'est-à-dire de sortir le verset ou faire sortir du verset le son sens que Allah et son messager ont voulu, de retirer au texte le sens que Allah et son messager ont voulu par ce texte. Donc ça c'est la parole en question. Et le cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, il explique cette partie-là. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et il dit wa qawluhu wa min tariq al-mu'attilin laha alladhina 'attaluha 'an madluliha alladhi arada Allah wa rasuluhu صلى الله عليه وسلم وهذا طريق آخر غير الأول إذ الأول تضمن التعطيل والتحريف لأن الذي يقول استوى بمعنى استولى عطل النص عن معناه الذي أراده الله وأثبت له معنى جديد من كيسه وأما الطريق الثاني فقد عطل النص عن مراد الله ولكن لم يثبتوا له معنى وهذا طريق من يسمون بالمفوضة أهل التجهيل الذين إذا قيل لهم معنى قوله استوى على العرش قالوا لا نثبت له معنى الله أعلم فهؤلاء عطلوا النص أو عطلوا النصوص عما أراد الله بها إذ أراد الله تعالى بها أن يثبت استواءه على العرش وهؤلاء قالوا لا نعلم نحن نقرأ القرآن ولكن لا نفسره ونقول أنتم معطلة عطلتم النص عما أراد الله بها. Donc le cheikh il explique que la signification maintenant de ce qu'on a expliqué du fait que on doit se désavouer de la voix des gens de ta'til al-mu'attila al-mu'attilina laha c'est-à-dire al-mu'attilina les asma wa sifat donc ceux qui veulent retirer aux noms et aux attributs d'Allah leur sens et leur ses sens et ses significations et leur donner retirer des noms et des attributs d'Allah le sens et la signification que Allah et son messager ont voulu pour ces noms et ces attributs-là. Donc, on a parlé au dernier cours, à la fin, de la voix d'une de ces voies d'égarement, qui est la voix des gens du tahrif. Et on a expliqué que la voix des gens du tahrif, c'est les gens qui déforment le sens. Ça veut dire qu'au lieu de dire, par exemple, istawa, ils vont dire istawla. Istawa, on a dit que ça voulait dire de s'élever au-dessus de, ou de monter au-dessus de. Tandis que ici, ils disent, au lieu de istawa, ils vont dire, ça veut pas dire ala wartafa, s'élever ou monter au-dessus de quelque chose, mais plutôt ils vont dire, ça veut dire istawla, qui veut dire prendre le dessus, avoir le pouvoir sur, conquérir, et ainsi de suite. Donc, on a expliqué au dernier cours que ça, c'est une déformation du sens, et il n'y a pas de preuve qui justifie cette déformation-là et cette interprétation-là. Donc c'est une interprétation qui est fausse sur le plan du Coran, sur le plan de la Sunna et sur le plan même linguistique aussi. Et c'est contraire aussi à la compréhension des salafs. Donc cette interprétation et cette déformation, c'est en réalité une déformation et on la rejette à cause de ça. Et on appelle ça du tahrif. C'est exactement ce que faisaient les Juifs. Avec les textes de la religion, ils déforment les textes de leur sens. Maintenant, on parle d'une autre voie, qui est la voie des gens de ta'til. Et le cheikh explique que cette voie-là, elle est différente de la première. Et c'est quoi la différence entre cette voie et la voie précédente qu'on a expliquée? C'est que la première voie qu'on a expliquée au dernier cours, elle déforme. Elle fait le ta'til aussi. C'est-à-dire qu'elle nie le sens, mais elle va procéder par la déformation du sens pour le nier. C'est-à-dire qu'ils vont pas faire la négation directe. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déformer son sens pour arriver au même résultat, c'est-à-dire de nier l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, par exemple, quand tu leur dis, comme je disais tout à l'heure, istawa, ils vont dire, ça veut dire istawla. Donc, ils donnent une autre interprétation de ce que le mot signifie. Mais c'est une définition qui est totalement fausse, C'est comme si je te demande, par exemple, comment ça s'appelle, puis tu me dis, ça s'appelle un soulier. Je vais te dire, ça, c'est pas un soulier. Tu dis, oui, mais on peut boire dans un soulier, mais ça, c'est pas un soulier, c'est une bouteille. Donc, c'est connu dans la langue française que ça s'appelle une bouteille. Tu peux pas lui donner un autre nom ou l'appeler par un autre nom qui représente pas sa réalité. D'accord? Donc les gens de ta'til, c'est ça, les gens de tahrif, c'est ça qu'ils font. Allah, il a dit qu'il s'est élevé sur le trône, il a utilisé le terme istawa. Eux, ils disent non, ça veut pas dire istawa, ça veut dire istawla. Ou bien la main, al-yad. Ils disent non, la main, ça veut pas dire la main. La main, ça veut dire le pouvoir, ça veut dire la force. Comme si la main et la force, ça voulait dire la même chose. Mais on sait très bien que le mot main, il a une autre signification que le mot force. Et que le mot grâce, c'est pas la même chose. Et on dit donc, si Allah voulait dire grâce ou voulait dire sa force, il aurait employé le terme grâce ou force, et non la main. D'accord? Donc c'est la preuve que la main, la grâce et la force, c'est des choses différentes et non pas la même chose. Donc ici, on voit que les gens qui veulent faire le ta'til, ils veulent nier le sens, eh bien, ils vont le nier directement. C'est-à-dire, ils vont pas donner au mot une autre signification différente pour déformer son sens, ils vont carrément dire « on ne sait pas ce que ça veut dire ». D'accord? Les gens de tahrif, eux, ils disent, ils ramènent un sens qu'ils ont inventé eux-mêmes. qu'ils ont décidé eux-mêmes, sans preuve, sans référence linguistique, sans rien, hein, pour donner un sens différent à la tribu. Tandis que les gens de Ta'til, eux, ils utilisent une autre méthode. C'est qu'ils nient le sens, puis quand tu leur demandes, mais comment ça, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ce mot-là? Ils disent, ça veut rien dire, on ne sait pas ce que ça veut dire, ça veut rien dire. Ça n'a pas de sens, ou ça n'a pas une signification qu'on connaît. D'accord? Donc, ils ont adopté une voie qu'on appelle la voie des gens de Tafwid. Tafwid. Et Tafwid, hein, je ne sais pas comment vous faites pour mémoriser tout ça si vous ne l'avez pas écrit. Ben oui, je sais. Bon, toi Hassan, tu les as entendus ces explications-là au moins une dizaine de fois, donc en principe, tu devrais les connaître par cœur. Hein? Non, c'est toujours les mêmes. Le man, quand il parle de Asma al-Sifat, il parle toujours des mêmes termes. C'est des, wa alaykoum salam wa rahmatullah, c'est des terminologies qui reviennent constamment. Et c'est bon de les connaître, au moins de les apprendre par cœur une fois, puisque si tu les as appris une fois, après ça revient tout le temps. Donc la prochaine fois que tu vas les entendre, tu les as appris, hein, donc tu les connais, et donc ça va être clair pour toi. Tu vas les comprendre. Mais si tu les écris pas, tu pourras pas les mémoriser. Ça va être, ou bien tu vas les apprendre, mais ça va être tout mélangé dans ta tête. Tu vas confondre tafwid avec tahrif, avec ta'til, avec tamthil, avec... Et puis là, je te demande, dis-moi qu'est-ce que ça veut dire ça, tu vas pas pouvoir me répondre. Parce que tu les as pas bien, hein, écrits, notés. En tout cas, moi je vous dis, il y a des feuilles, il y a des stylos. Si vous voulez prendre des notes, marhaban bikoum. Si vous voulez pas les prendre en notes maintenant, vous voulez réécouter l'audio par la suite, l'enregistrement, puis faire des notes claires, il n'y a pas de problème aussi, ça ne me dérange pas. D'accord? Mais l'important, c'est que vous me garantissiez que vous allez faire votre possible pour bien maîtriser ces notions-là. De les apprendre comme il faut, de les comprendre et de les mémoriser pour être capable de les maîtriser par la suite. Comme ça, si on vous en parle, vous savez exactement de qu'est-ce qu'on est en train de dire. Pas de problème. La méthode qui vous convient le plus, qu'est-ce que vous trouvez le plus à l'aise, le plus confortable, le plus facile sur votre tablette, sur votre téléphone, votre ordinateur, si vous êtes capable même de mémoriser par la mémoire sans écrire, si vous êtes capable, allez-y, moi ça ne me dérange pas. Le résultat, c'est ça qui est important, c'est que vous ayez bien compris les choses. Non, mais moi j'enregistre tout. Donc ça veut dire que tout ce que j'explique maintenant, il est enregistré. Quand je vais le mettre sur le site, vous allez pouvoir le télécharger et prendre des notes à votre aise. Il n'y a pas de problème. Non, ça prend un peu de temps avant que je les mette sur le site parce que c'est pas moi qui les mets directement. Mais il faut être juste patient. Sinon, en attendant, toutes ces notions-là, on les a expliquées dans l'explication du livre de Al-Wasitiyah. Donc, on les a expliquées dans Al-Hamawiyah aussi. Donc, c'est des choses que c'est une revision, en fait, pour ceux qui l'ont déjà étudié. C'est une revision pour eux. Mais pour ceux qui ne l'ont jamais étudié, c'est peut-être nouveau. Mais disons qu'il y a une première fois, toute chose a une première fois. Et je pense que c'est pas des notions très très compliquées, donc inshallah, je pense que vous allez être capable de comprendre ça. Et donc on a expliqué jusqu'à date at-tahrif, on est en train de parler de at-ta'til, et en parlant de at-ta'til, on a expliqué at-tafwid. Des fois on change la forme, donc on dit par exemple tahrif. On va employer parfois le terme ta'wil, on va employer parfois le terme mu'attila. Mu'attila, ça vient de ta'til. Et tafwid, on emploie parfois le terme de mufawwida, ça vient de tafwid. Donc le lien entre ta'til et mu'attila, le lien c'est quoi? C'est que le ta'til, c'est l'acte, le fait de nier. Et mu'attila, c'est ceux qui font le ta'til. Tafwid, c'est le fait de dire, par exemple, hein, comme ceux qui veulent dire, on ne sait pas le sens, on s'en remet à Allah par rapport à son sens. C'est-à-dire, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. On ne sait pas le mot istawa, qu'est-ce que ça veut dire. On ne sait pas le mot yad, la main, qu'est-ce que ça veut dire. On ne sait pas le mot nuzul, hein, qu'est-ce que ça veut dire. Quand Allah dit qu'il descend, on ne sait pas ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire. Donc c'est tafwid, c'est-à-dire on remet la connaissance du sens à Allah. C'est ça tafwid. Et ça c'est interdit de faire ça. Puisque le sens, on le connaît, Allah nous l'a donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné et les sahaba l'ont compris. Donc on ne peut pas dire on s'en remet. Hein, on remet le sens à Allah. Le sens, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a fait descendre pour qu'on le connaisse. Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il nous a révélé le sens de ses attributs? Ou bien pourquoi il nous a révélé les attributs elles-mêmes? C'est pour qu'on connaisse leur sens. S'il nous révèle ses noms et ses attributs, puis il ne nous permet pas de connaître le sens de ces noms et de ces attributs-là, alors à quoi ça sert de les connaître? Ça ne sert à rien dans ce cas-là. Hein? Donc il faut qu'on connaisse le sens, sinon il n'y a pas de sagesse dans le fait de les avoir révélés. Hein? Qu'est-ce qu'on ne connaît pas? C'est le commun. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas? C'est le commun. Et on est obligé de faire le tafwid du commun. On fait le tafwid du commun. Mais on ne fait pas le tafwid du sens, hein, de la signification. Faire le tafwid de la signification, c'est interdit. Faire le tafwid du commun, c'est obligatoire. Commun. Qu'est-ce qui est interdit? C'est de faire le tafwid de la signification. Faire le tafwid du commun, c'est obligatoire. Ouais, le tafwid, c'est une des deux voies que emploient les gens de kalam. Parmi les gens de kalam, il y en a qui vont faire le tahrif. On a dit tout à l'heure. Tahrif, c'est quoi? C'est, écris bien. Tahrif, c'est quoi? C'est, il déforme le sens des attributs, puis il leur donne un autre sens sans preuve, sans référence. Ça, c'est le tahrif. Et ça, c'est une des voies des gens de Bid'a parmi les gens de Kalam. Ils ont une autre méthode aussi qui est le tafwid. Des attributs. Comme par exemple, la main, ils vont dire la main, c'est le pouvoir. Par exemple. Ok? Tu peux écrire ça comme exemple. On dit la main, ça ne veut pas dire main, ça veut dire pouvoir. Le fait que Allah s'élève sur le trône, ils disent ça ne veut pas dire s'élever sur le trône. Hein? Ils vont dire ça veut dire conquérir le trône, par exemple. Oui. Le ta'til, c'est de vider la tribu de son sens et de le nier. Donc, les deux catégories. Bon, pour commencer, donc j'ai expliqué le tahrif, qu'est-ce que c'est. Non, je vais vous expliquer le tafwid, comme je vous ai dit, c'est de dire que on connaît pas la signification des attributs. C'est seulement Allah qui sait qu'est-ce que ça veut dire. Le ta'til, c'est la négation sans déformer le sens. Vous comprenez? Bon, les gens qui font le tahrif, ils font le ta'til aussi. Vous comprenez? Les gens qui font le tahrif, ils font aussi le ta'til. Les gens qui font le tahrif, Ils déforment le sens. Ils font aussi le ta'til, ils nient en même temps. Mais ils ne veulent pas le nier de façon directe, parce qu'ils ont peur. Parce que s'ils viennent aux musulmans, hein, s'ils disent aux musulmans, nous, on ne croit pas que Allah il est au-dessus de son trône, et Allah il n'a pas de main, et Allah il n'a pas de visage, et Allah il n'a pas de... Il ne descend pas au dernier tiers de la nuit. Et Allah, il ne parle pas. S'ils disent ça explicitement, les musulmans vont vont comprendre clairement que ce sont des gens d'égarement, que ce sont des gens déviés, qui nient ce que Allah a affirmé. Donc ils vont avoir, sans aucun doute, la certitude que c'est des égarés, et donc ils vont faire fuir les gens ouvertement d'eux, et ils veulent pas ça. Donc ils sont obligés d'utiliser des ruses pour que les gens les condamnent pas de façon directe. Alors ils vont utiliser des ruses. Parmi les ruses, il y a le tahrif. Ils vont déformer le sens. Ils vont dire non, la main ça veut pas dire main, ça veut dire ça. Ça veut dire la force, ça veut dire la grâce, ça veut dire si la descente, ça veut pas dire la descente d'Allah, plutôt ça veut dire la descente de l'ange ou la descente du commandement ou la descente de la miséricorde ou des trucs de ce genre. D'accord? Donc ils vont pas le nier directement. Ou bien sinon quand ils vont faire la négation directe, mais ils vont dire par opposition, on ne sait pas du tout ce que ça signifie ces mots-là. C'est comme si il faut l'affirmer, mais sans dire qu'on sait qu'est-ce que ça signifie. Ça c'est at-tafwid, et en même temps c'est une forme de ta'til, mais sans tahrif. D'accord? Des fois c'est parce que c'est des termes qui s'embriquent les uns dans les autres, ou qui disons certains des termes implique parfois plus qu'une signification, ou bien une rentre dans l'autre, ou une partie de l'un rentre dans l'autre. Donc à la fin ça devient un petit peu confondant ou mélangeant, mais c'est pour cette raison là que c'est important de les noter pour comprendre, parce que si on prend pas de notes, je vois pas comment quelqu'un peut arriver à vraiment bien comprendre toutes ces notions là. On oublie, oui. Tandis que si tu les as notées, ben, même si tu as oublié, tu peux retourner à tes notes, puis après tout de suite, juste en regardant rapidement les notes, tu te rappelles tout de suite, tu dis ah oui, je me rappelle maintenant, ça veut dire ça, ça c'est ça, ça c'est ça, et donc ça devient plus clair. Non. Non. Du comment. Les gens de la sunna, ils font le tafouir du comment. Parce que oui, on remet la connaissance du comment à Allah. C'est seulement Allah qui connaît le comment. Donc on doit faire le tafwir du comment. Mais le tafwir de la signification, ça c'est haram, c'est interdit. Et ça c'est ce que font les gens de bid'a. Et qu'est-ce que font les gens de bid'a? Ils font le tafwir de la signification. Et ça c'est interdit parce qu'on connaît la signification. Allah il nous l'a mentionné. T'as compris, Hassan? Le tafwir, le ta'til, c'est la négation. Oui. Retirer à l'attribut son sens complètement. Oui, c'est ça. Ça, c'est le tahrif. Tafwir, ils vont dire, on ne peut pas comprendre sa signification. C'est comme si c'est un mot en chinois ou en japonais, hein. Comme si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il disait ce mot-là, pour lui c'était du chinois, ça voulait rien dire. De même que les sahaba, oui, ça c'est le tafwir. Hein? C'est comme si tu lui dis istawa, c'est comme si tu lui dis un mot chinois là. Ça veut rien dire pour lui. Et ça c'est comme s'il déclarait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les sahaba comme étant ignorants. C'est pour ça que les ulama ils disent que ça c'est une forme de tajhil. Vous accusez les salafs d'être ignorants. Parce que vous prétendez qu'ils ne savaient pas la signification de ces attributs-là. Et ça, c'est faux. Donc, le cheikh, il dit, « Wa amma al-tariq al-thani, فقد عطلوا النص عن مراد الله ولكن لم يثبتوا له معنى، وهذا طريق من يسمون بالمفوضة أهل التجهيل الذين إذا قيل لهم ما معنى قوله استوى على العرش قالوا لا نثبت له معنى، الله أعلم. فهؤلاء عطلوا النصوص عما أراد الله بها، إذ أراد الله تعالى بها أن يثبت استواءه على العرش، وهؤلاء قالوا لا نعلم، نحن نقرأ القرآن لكن لا نفسره، ونقول أنتم معطلة، عطلتم النص عما أراد الله به. Donc le Cheikh il explique, il dit cette voix, la voix des gens de Ta'til, ils ont nié le sens du texte, ils ont nié ce que Allah a voulu de ces attributs là mais ils n'ont pas affirmé d'attributs, ils n'ont pas affirmé de nom ou de, ils n'ont pas affirmé de signification pour ces attributs là hein, ils n'ont pas ramener une signification quelconque. Non, ils ont dit on ne sait pas du tout qu'est-ce que ces attributs-là signifient. Et ça, c'est la voix de ceux qu'on appelle al-mufawwida. Et ils ont un poème dans leur livre qu'ils enseignent dans leur université, le livre qu'ils appellent Jawharat al-Tawhid. Dedans, ils ont dit wa kullu lafdin, hein, wa kullu lafdin awhama at-tashbiha. Ou bien ils disent le contraire, c'est-à-dire tout texte qui peut donner l'impression d'être une ressemblance entre le créateur et la créature, alors alors fais le ta'wil, le ta'wil dans le sens du tahrif, ou bien tu fais le tafwid, c'est-à-dire et prétends donc, dis que tu le fais pour purifier Allah de toute imperfection ou de toute ressemblance, et ainsi de suite. Donc, tout texte qui donne l'impression, hein, qui peut donner l'impression, ou bien des choses qui pourraient donner l'impression qu'il y aurait une ressemblance quelconque entre le Créateur et la créature, fa'awwilhu, Warum tanziha. Ça, c'est un des vers dans leur poème qu'ils enseignent pour l'aqidah dedans. Donc, ils disent fais le tafwid ou bien fais le ta'wil dans le sens du tahrif. Et donc, ils disent que la voix des salafs, c'est ces deux voix-là, de faire le tafwid ou de faire le tahrif. Ils pensent que c'est ça la voix des salafs. En fait, ils disent que la voix des salafs, c'est le tafwid. Et que la voix des khalafs, c'est le tahrif, qui est le ta'wil selon eux. Alors que ça, c'est une déformation du sens, c'est pas le ta'wil. Ta'wil, c'est le tafsir. En tout cas, eux, ils disent la voix des khalafs, elle est plus savante, elle est plus précise, elle est plus sage. Tandis que la voix des salafs, elle est plus sécuritaire. La voix des salafs pour eux, c'est le tafwid. Alors que ça, c'est un mensonge contre les salafs. Les salafs, leur voix, c'était pas le tafwid du tout. Puisqu'ils connaissaient la signification des attributs, et ils affirmaient cette signification-là, et ils l'expliquaient. Ils expliquaient les attributs, et ils comprenaient leur sens. Donc, de prétendre que ça, c'est la voix des salafs, c'est une injustice envers les salafs. C'est un mensonge envers les salafs. De toute façon, le cheikh, il va le mentionner, ça, de toute façon. Ok. Donc, le cheikh, il dit, par exemple, que ces gens-là, ils font le tafwid, hein. Ils disent, il n'y a pas de ces attributs-là, on ne sait pas leur sens. La main, on ne sait pas ce que ça veut dire. Hein. Istiwa, on ne sait pas ce que ça veut dire. Que Allah s'est élevé sur le trône, on ne sait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire le terme istawa lui-même, il est incompréhensible. Il n'y a pas de ça n'a pas de signification. C'est seulement Allah qui sait qu'est-ce que ça veut dire. Donc ils ont nié les textes qui parlent des attributs d'Allah. Hein? Et ils ont refusé d'affirmer ce que Allah a voulu de ces textes-là. Hein? Donc Allah, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a affirmé qu'il était élevé au-dessus de son trône, en disant qu'il est mustawin ala arshihi, il a voulu faire savoir à ses serviteurs qu'il était élevé sur son trône. Tandis que eux, les gens de Ta'til, qui font le tafwid, eux, ils disent non, nous on ne sait pas ce que ça veut dire du tout. Hein? Nous on lit le Coran, mais on lit le Coran et dedans il y a ces attributs-là et on ne sait pas ce que ça signifie. Hein? Nous on dit, le cheikh dit, nous on dit, vous êtes des mu'attila, parce que vous avez vidé les textes de leur sens que Allah a voulu, hein, des textes du sens que Allah a voulu. C'est-à-dire vous avez vidé les textes du sens que Allah a voulu par ces textes-là. Ensuite, le cheikh il dit, wa qawluhu wa min tariq al-ghalil. Donc il y a un autre aspect maintenant, on se désavoue d'un autre groupe aussi. وَمِنْ طَرِيقِ الْغَالِينَ فِيهَا الَّذِينَ حَمَلُوهَا عَلَى التَّمْثِيلِ أَوْ تَكَلَّفُوا لِمَدْلُولِهَا التَّكْيِيفِ. Et on se désavoue également d'une autre voie, d'un troisième exemple. Et c'est laquelle? La voie des gens qui ont exagéré dans l'affirmation des attributs et qui sont tombés dans le tamthil. C'est-à-dire qui ont voulu affirmer les attributs au point de les faire ressembler aux attributs de la créature, ou bien qui se sont forcés à même vouloir leur donner une explication dans le commun de ces attributs-là. Donc ils sont rentrés dans le taqif. Ces gens-là, on se désavoue de leur voix aussi. Le taqif, c'est quoi? C'est de demander le commun. Le mot kayf en arabe, ça veut dire commun. Et de faire le taqif, ça veut dire de demander le kayf, demander comment. D'accord? Et le cheikh, il explique, il dit, wa qawluhu min tariq al-ghalina fiha alladhina hamaluha ala al-tamthil aw takallafu limadluliha al-taqif wa hadha al-tariq al-thalith wa humu al-mumathila الذين غلوا في الإثبات فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه لكن غلوا في ذلك والغلو معناه الزيادة ومنه غلي القدر لأنه إذا غلا ارتفع فقالوا نثبت أن الله استوى على العرش حقيقة وأن معنى الاستواء كما يستوي أحدنا على الكرسي وقالوا أيضا لله يد ويده كأيدينا ونحن نتبرأ من هذا الطريق لأن فيها غلو أو لأن فيها غلوا. Donc le cheikh il explique ici, il dit la signification de cette parole ici que le cheikh il a mentionné, qu'on se désavoue également d'une troisième voie qui est la voie des gens de l'exagération, ceux qui ont voulu faire une comparaison entre le créateur et la créature et qui ont fait at-tamthil, et aussi de ceux qui ont essayé de faire le taqif en cherchant à décrire le commun des attributs d'Allah. Donc ce groupe là qui est la troisième voie, on les appelle les mumathila, c'est-à-dire ceux qui font ressembler Allah à sa création. Ils ont exagéré dans l'affirmation des attributs d'Allah au point d'affirmer فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه. Donc ils ont affirmé à Allah ce que Allah s'est affirmé à lui-même, ça c'est correct. ولكن غلوا فيه. Mais ils ont exagéré dans cette affirmation-là. Et al-ghulu, ça veut dire d'exagérer en ajoutant. Hein? Et il explique que le terme rala yagli, hein? comme par exemple Raliul Qidr, c'est-à-dire quand on dit que par exemple une bouilloire elle bouille, hein, on dit Ralal Qidr. La bouilloire elle est arrivée au point d'ébullition, au point que même le couvercle il lève, hein, sur la bouilloire. Donc c'est de là que ça vient Rala, hein. Ça veut dire quand quelque chose il s'est soulevé, hein, il a dépassé la limite. Et donc on dit par exemple que ces gens-là ils font le rouleau dans l'affirmation des attributs parce que ils disent par exemple quand on dit que Allah s'était élevé au-dessus de son trône réellement, ils disent que ça veut dire que Allah s'est élevé comme l'un d'entre nous s'élève sur une chaise, hein. Ça c'est une comparaison, une ressemblance entre Allah et sa création. Ça c'est interdit, c'est du shirk. Donc nous on dit Allah s'élève sur le trône d'une manière qui convient à sa majesté. Il n'y a rien qui lui ressemble. Tandis que eux, ils disent, les mumathila, ils disent Allah il s'élève sur le trône comme les êtres humains s'élèvent sur une chaise ou sur comme un être humain s'élève sur une chaise. Donc ils font la ressemblance entre le créateur et la créature. Ou bien ils disent la main d'Allah elle est comme nos mains à nous. Donc ça c'est du shirk, c'est du kufr, et c'est qu'est-ce qu'on appelle le tamthil, de faire ressembler Allah à sa création, et c'est interdit. Al-tamthil, al-mumathila, ce sont ceux qui font le tamthil, et ça c'est de faire ressembler le créateur à sa créature, ou bien de faire ressembler la créature au créateur. Il y a un lien entre les deux, parce que le tashbih c'est plus général que le tamthil. Le tamthil c'est une comparaison, tashbih c'est de faire ressembler deux choses. Donc il y a une ressemblance entre les deux termes. C'est comme si tu dis, comme je vous donne un exemple, ok? Si je vous dis ce stylo ressemble à ce stylo, donc c'est comme s'il ressemble sur tous les plans. Mais si je dis par exemple cette bouteille est comme ce stylo, c'est-à-dire ils ont peut-être des points en commun. Le couvercle est bleu, puis c'est du plastique tous les deux, mais ils sont pas exactement pareils, d'accord? Donc c'est comme si tu dis comme et ressemble, il y a des différences entre les deux termes, malgré que ça se ressemble. Mais le terme qui est employé dans les textes, je ne sais pas si cette question-là que tu viens de poser, cette question, on en a parlé plusieurs cours en arrière, et justement, le cheikh, il a expliqué la différence entre les deux, et il expliquait donc pourquoi c'est mieux de dire tamthil que tashbih. Parce que tashbih, il n'est pas nié dans le texte. Qu'est-ce qui est nié, c'est tamthil. Laysa kamithlihi shay. Hein? Laysa kamithlihi shay. Donc, le terme qui est employé, c'est al-mithl. Hein? Al-mithliya qui est nié. Tandis que tashbih, il n'est pas mentionné dans les textes. Donc, c'est mieux de se référer au terme qui est mentionné dans le texte. Hein? Mais sinon, on comprend que tashbih, c'est de faire ressembler le créateur à la créature, et que ça aussi c'est interdit, hein, ça c'est clair. Et souvent comme je vous avais expliqué à ce moment-là quand j'avais parlé de ça, que les gens de bid'a comme les ahbash, ils accusent les gens de la sunna, hein, les salafis, de faire du tashbih, et ils disent que ça c'est de l'anthropomorphisme. Et je vous ai expliqué que l'anthropomorphisme c'est une forme de tashbih, une forme de tamthil. Pourquoi? Parce que c'est de faire ressembler Allah à un être humain. Parce que on avait expliqué que anthropomorphisme, ça voulait dire de faire anthro, ça voulait dire être humain. Et anthropo, ça veut dire être humain, puis morphisme, ça veut dire la forme. Et que si quelqu'un, par exemple, fait ressembler Allah à un animal, on va pas appeler ça de l'anthropomorphisme, mais c'est du tashbih aussi. ou bien faire ressembler Allah à une chose inerte ou à une autre créature parmi les créatures. C'est pas de l'anthropomorphisme, c'est aussi du tashbih. Donc le terme anthropomorphisme, il est limité. C'est une partie du tashbih ou bien du tamthil. C'est pas, ça comprend pas toutes les formes de tashbih ou de tamthil, et c'est du shirk aussi. C'est pour ça que nous on leur dit aux gens de bid'ah, vous dites que nous on fait le tashbih parce qu'on affirme ce que Allah s'est affirmé pour lui-même comme attribut, comme la main, le visage, et le fait qu'il a par exemple deux yeux, ou le fait qu'il s'élève sur le trône, ou qu'il descend au dernier tiers de la nuit. Vous dites ça, c'est du tashbih. Nous, on dit non, parce que il n'y a rien qui lui ressemble, et il fait ça comme cela lui convient, à sa majesté et à sa grandeur. Donc, il n'y a aucune ressemblance entre ce que Allah fait et ce que les créatures font, et qu'est-ce qu'il a comme attribut, et ce que les créatures ont comme attribut. Il n'y a pas de ressemblance entre les deux. Et donc, ça, c'est pour expliquer par rapport à ça. Et en même temps, eux, ils font ressembler Allah au néant. Hein? Ils font ressembler Allah au néant. Et c'est une autre forme de tashbih. Les ahbash font ressembler Allah au néant. Oui, parce que si tu leur demandes où est Allah, hein, ils vont dire Allah, il est nulle part. Et souvent, ils disent ça. Il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, il n'est pas en avant, il n'est pas en arrière. Il n'est pas à l'intérieur du monde, il n'est pas à l'extérieur du monde. Il n'est pas à l'intérieur de la création, il n'est pas à l'extérieur de la création. Donc, il est où? Hein? Il n'existe pas. Hein? Et les ulama, ils ont dit, si vous voulez décrire le néant, vous ne pouvez pas décrire le néant par une description plus claire, complète que cette description-là. Ben parce que le taqif, c'est une façon de, c'est une sorte de c'est, ça fait partie de parler à propos d'Allah sans science. Parce que tu décris le commun alors que tu l'ignores. Donc c'est ça. Quand tu dis le commun de quelque chose, c'est sa description en fait. Hein? Et donc, de décrire le commun, si tu vas faire la description du commun, alors que Allah ne l'a pas mentionné, ça veut dire que tu vas automatiquement, hein, d'une façon quelconque, comparer Allah à quelque chose des créatures. Et tu n'as pas le droit de parler d'Allah sans science. Hein? Donc, tu n'as pas le droit de dire, accepter ce que Allah a dit à propos de sa personne. Le tashbih, c'est ressemblant sur tous les plans. Tamthil, c'est d'affirmer certaines ressemblances. Allahu Akbar, ça veut dire Allahu Akbar. Ça veut dire qu'Allah est plus grand que tout, sans exception. On rentre pas dans les détails trop de ces questions-là. On affirme qu'est-ce qu'Allah il a affirmé. Et on n'essaie pas d'imaginer les détails des autres choses, parce que parmi les exemples de qu'est-ce qui rentre dans le taqif, c'est d'essayer d'imaginer les attributs d'Allah. Et souvent les gens qui sont tombés dans le ta'til, dans la négation des attributs, ils sont tombés dans la négation parce qu'ils ont essayé d'imaginer, hein? Et c'est pour ça qu'ils ont tombé, ils sont tombés dans la négation. Et les ulama, ils ont dit que l'attribut, avant qu'il soit attribué, hein, comme si un attribut dans sa forme absolue, hein, et bien dans ce cas-là, hein, on peut pas dire qu'il y a, c'est-à-dire que l'attribut, une fois qu'il est affirmé et attribué à la chose à laquelle on l'attribue, là il y a plus de ressemblance. La ressemblance, c'est seulement dans son sens absolu. Tu comprends? Comme si, par exemple, on dit une main, sans spécifier de quelle main on parle, ou de la main de qui on parle. Alors là, on peut dire qu'il y a une ressemblance dans l'absolu, parce qu'une main, c'est une main. Mais lorsqu'on attribue cette main-là à quelque chose, ou à quelqu'un, alors cette main-là devient spécifique. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de ressemblance possible. Hein? C'est comme si je dis la main du singe et la main de l'homme. Il n'y a plus de ressemblance possible entre les deux. Parce que tu vas savoir que la main du singe, elle correspond au singe, et la main de l'homme, elle correspond à la main de l'homme. Et la main du chameau, la main du mouton, et la main de chaque animal correspond à sa main à lui. Et si tu dis la main d'Allah, ça correspond à la main d'Allah. Il n'y a pas de ressemblance entre la main d'Allah et la main de ses créatures. D'accord ? Mais quand tu dis une main de façon absolue, sans l'attribuer à quoi que ce soit, hein, là, on ne peut pas dire quoi que ce soit d'autre. Ça ressemble, c'est-à-dire c'est juste à ce point, sur ce plan-là qu'on peut dire qu'il y a une ressemblance dans l'absolu, parce qu'on n'a pas attribué l'attribut en question à quoi que ce soit. D'accord ? Mais on ne va pas dire ça de cette façon-là. On va dire la main d'Allah, c'est la main d'Allah. Et la main de la créature, c'est la main de la créature. D'accord ? Oui, c'est plus simple de dire ça. C'est moins confondant. Hein, ça va moins induire en erreur ou en confusion de le dire de cette manière-là. Ok, donc maintenant que ça c'est clair, hein, on peut continuer, Inch'Allah. Oui, donc la voix des gens de Taqif, hein, qui exagèrent dans l'affirmation, donc eux ils font la comparaison. Et je vous ai expliqué au dernier cours, si vous vous souvenez, l'exemple de Ibn Battuta. Hein? Vous vous souvenez quand j'ai parlé de ça, Ibn Battuta? Ah, t'étais pas là? C'est que beaucoup de gens de Bid'a, comme les Ahbash et les Asha'ira, ils ont accusé Ibn Taymiyyah d'être un Mu'athil ou Mushabbi. Pourquoi? Ils se sont basés sur un livre de Ibn Battuta qui a écrit un livre qui s'appelle Ar-Rihla. Un livre des récits de son voyage. Il a fait un voyage, Ibn Battuta. Je pense qu'il est parti du Maghreb, puis il est allé jusqu'en Inde, en passant par plein de pays. Puis, à chaque fois, il arrivait quelque part, il écrivait des aventures qui lui arrivaient, des choses comme ça. Puis, quand il est arrivé en Syrie, il a dit, je suis arrivé en Syrie, et là, j'ai vu qu'il y avait un homme qui faisait une khutba. Il était sur le mimbar, puis il s'appelait Ibn Taymiyyah. Puis, il a dit, Allah descend du trône de la même manière que moi, je descends de ce mimbar. Puis après, il est descendu en bas du mimbar. Et il a dit, donc, les gens dans la mosquée, quand ils ont entendu ça, ils se sont choqués, les ulama se sont choqués, ou je sais pas quoi. Puis à cause de ça, ils se basent là-dessus pour accuser Ibn Taymiyyah de tashbih, et ainsi de suite. Et on sait très bien que Ibn Taymiyyah n'a jamais dit ce genre de propos, et que dans ses livres, il réfute ceux qui disent ça. Donc comment Ibn Taymiyyah aurait pu dire ça, puisque lui-même il condamne ce genre de propos? Et en plus, une des preuves, comme Cheikh Mohamed Aman, rahimahullah, il a expliqué, la preuve du mensonge de ce Ibn Battuta, c'est que à l'époque ou à l'année ou la date exacte à laquelle il mentionne avoir été présent en Syrie à ce moment-là à Damas, eh bien Ibn Taymiyyah était enfermé dans Al-Qal'a. Et il est mort dans la prison à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire, il était en prison jusqu'à sa mort pendant la visite de Ibn Battuta à Damas. Donc, c'est clair que celui qui l'a entendu dire ça, c'était pas Ibn Taymiyyah. Et comme Cheikh Mohamed Aman al-Jami l'a expliqué lui-même, Ibn Battuta, il dit qu'il était sur le mimbar en train de faire une khutbah. Ibn Taymiyyah faisait pas trop tard. C'était pas un khatib. C'était un alim, donnait des durous, mais il faisait pas de khutbah sur le mimbar. Donc, ça c'est la preuve encore une fois que c'est un menteur, hein, et qu'il a menti sur Ibn Taymiyyah, cet homme-là. Donc, on n'a pas le droit et on peut pas prendre son témoignage comme une preuve pour condamner Ibn Taymiyyah, puisqu'il est innocent de ce genre de propos. D'accord? Donc, ça c'est pour réfuter ce genre de mensonge. Et, comme on l'a expliqué, l'imam Ahmad, il a dit, le faire le tashbih, c'est de dire, la main d'Allah est comme notre main. Ça, c'est du tashbih, c'est du tamthil, il n'y a pas de doute. Mais celui qui dirait, on affirme que Allah a une main, telle qu'il se l'est affirmé lui-même, hein, et que sa main, elle correspond à sa majesté et à sa grandeur, et laïsa kamithlihi shay, il n'y a rien qui lui ressemble, tu ne peux pas l'accuser de tamthil, tu ne peux pas l'accuser de tashbih, impossible. Parce qu'il ne fait qu'affirmer ce que Allah a affirmé. Donc on se désavoue de cette voix de ceux qui font le tamthil ou le tashbih. Ensuite, le Cheikh il dit, فَصِرْنَا نَتَبَرَّ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ. Donc maintenant, on comprend qu'il y a trois voies dont on doit se désavouer. الأول طريق المحرفين الذين أثبتوا لها معنى لا يريده الله ورسوله. والثاني طريق المعطلة الذين عطلوها عن المعنى المراد ولكن لم يذكروا معنى آخر وهؤلاء هم المفوضة. والطريق الثالث طريق الغالين في الإثبات الذين أثبتوها مع التمثيل. Donc ça c'est les trois voies dont on se désavoue. La première voie, la voie des gens de tahrif, qui font le tahrif, on les appelle al-muharrifin. Et souvent, ils se réfèrent à eux-mêmes comme étant les gens qui font le ta'wil. Mais il faut savoir que leur sens de ta'wil, c'est le tahrif en réalité. C'est la déformation du sens et la falsification des sens du texte et des attributs. Donc il donne au texte une signification que Allah et son messager n'ont pas voulu. La preuve, parce que leur définition ou l'interprétation qu'ils donnent au texte, elle n'est pas supportée ni par le Coran, ni par la Sunna, ni par les paroles des salafs, et ni par la langue arabe. Comme celui qui dit que la main c'est le pouvoir, par exemple. Hein? Ça c'est un exemple. Et après, le Cheikh il dit, la deuxième voie dont on se désavoue, c'est la voie des gens de ta'til, al-mu'attila. Donc eux, ils vident les attributs de leur sens. Hein? Et ils n'affirment pas le sens que Allah a voulu de ces attributs-là en les niant. Donc ils disent ces attributs-là n'ont aucune signification. Ils n'affirment aucune signification pour les attributs. Donc ce sont les gens qu'on appelle des mufawwida. C'est ça. Ils disent Allah il a dit qu'il a une main, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Et puis le sens apparent n'est pas voulu. Hein? Le sens qui est apparent dans le Coran, c'est pas ça que Allah a voulu. C'est autre chose. Mais on ne sait pas c'est quoi. D'accord. Elle est vide de sens. Et c'est grave parce que les gens de l'égarement parmi les Batiniyya, ils ont utilisé cette porte que les Mufawwida leur ont ouvert pour appliquer ça non seulement aux attributs d'Allah, mais aussi aux règles de la religion. Oui, donc les Batiniyya comme les Ismaïliyya et d'autres ont dit, c'est pas seulement les attributs d'Allah qui ont un sens qu'on connaît pas, même les règles de la religion aussi. Donc le terme salat, ça veut pas dire salat. Le terme hajj, ça veut pas dire hajj. Le terme zakat, ça veut pas dire zakat. Et le terme wudu, ça veut pas dire wudu. Et le terme ils vont donner à chaque mot un autre sens que eux seuls comprennent et qui est caché du commun des musulmans. C'est seulement les élites, les initiés parmi eux qui peuvent les comprendre. Et ça, c'est pour ça que Ibn Taymiyyah, comme le cheikh va le mentionner, il considère que cette bid'a, la bid'a des Mufawwida, c'est une des pires paroles que les gens de Bid'a ont pu inventer dans l'islam, parce que ça ouvre la porte à des graves égarements. Donc la troisième voie de laquelle on doit se désavouer, comme on l'a dit, c'est la voie des extrémistes dans l'affirmation. C'est ceux qui ont affirmé une ressemblance ou une comparaison entre le créateur et la créature, et qui établissent qui décrivent le commun des attributs d'Allah. Ensuite, le Cheikh Ibn Uthaymin, il explique, il dit, فَإِذَا قَالَ قَائِلَ لِمَا لَا نَسْلُكُ الطَّرِيقَ الْوَسَطِ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ الثَّلَاثِ وهي السكوت والتفويض، فنقول هذا حرام، لأن السكوت يعني التعطيل، والله عز وجل يقول ليدبروا آياته. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن قول المفوضة إنه شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وبعض الناس يظنه خيرا وهو شر. والعجب أن بعض المعطلين الذين نحسن الظن بهم يظن أن هذا مذهب أهل السنة ومذهب السلف، وهي طريقة التفويض وعدم الخوض، وأن نقول لا نعلم. ولهذا حكي عنهم العبارة الكاذبة المتناقضة الباطلة، وهي قولهم طريق السلف أسلم وطريق الخلف أعلم وأحكم. وحقيقة الأمر أن طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم. Donc le cheikh il explique ici. Il dit, si quelqu'un nous pose la question, est-ce qu'on peut pas employer la voie intermédiaire de ces trois voies-là, la voie du milieu, c'est-à-dire parmi les trois qu'on a mentionnées, celle qui était la deuxième, hein, de dire que il faut se taire et remettre le sens de ces attributs-là à Allah, c'est-à-dire de faire le tafwid. Est-ce qu'on pourrait pas emprunter cette voie-là? Le cheikh il dit non, ça c'est haram. Il dit parce que de se taire au sujet de leur signification, c'est-à-dire au sujet de la signification des attributs d'Allah, ça équivaut au ta'til, ça équivaut à la négation. Il dit pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, le verset 39 dans sourate Sa'd, liyadabbaru ayatihi, c'est-à-dire pour qu'ils puissent méditer et réfléchir sur ces versets. Et les attributs font partie des versets. Ceux qui sont mentionnés dans le Coran font partie des versets. Et Allah nous ordonne de méditer et de réfléchir sur leur signification. Donc, il y a une sagesse là-dedans. Ça nous aide, le fait de connaître ces attributs-là et leur signification, ça nous aide à connaître Allah. Et ça nous aide à le craindre et à l'aimer et à l'adorer. Hein? Et c'est pour ça que le cheikh, il dit, cheikh l'islam ibn Taymiyyah, il a mentionné dans son livre Dar al-Ta'arud Bain al-Aql wal-Naql, il a dit dans son livre que la parole des Mufawwidah, c'est une des pires paroles des gens de Bid'a et des gens de l'athéisme. Donc, il dit, certaines personnes peuvent penser que c'est une parole qui est bien, alors que c'est une parole très mauvaise. Et il dit que qu'est-ce qui est étonnant, c'est que certains d'entre les gens de Ta'til, ils donnent une bonne idée, ou ils ont une bonne pensée de cette parole-là, de la position des gens de Tafwid, et ils pensent même que cette voie est la voie des gens de Ahl-Sunnah, et que c'est la position des Salaf. C'est-à-dire que la voie du Tafwid, c'est et de pas débattre, ou de pas rentrer dans les discussions au sujet des attributs d'Allah, que c'est ça la voie des Salaf. Et le Cheikh, il dit, nous on dit, ou bien eux ils prétendent que de dire on ne sait pas ce que ça veut dire, hein, à propos des attributs d'Allah, quand ils disent que ça c'est une parole des salafs et la position des salafs, ils disent ça c'est un mensonge et c'est une contradiction et c'est totalement faux. Et c'est pour ça que eux ils disent, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'ils disent que la voie des salafs elle est plus sécuritaire, tandis que la voie des khalafs elle est plus savante et plus précise, hein. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de trouver une autre signification en faisant le tahrif. Ils remplacent la signification par une autre. Donc ils disent elle est plus savante, hein, et plus précise, elle est plus détaillée. Tandis que la voix des gens des salafs, elle est plus sécuritaire. Elle s'avance pas, elle rentre pas dans les significations, elle dit je sais pas. Donc ils pensent que c'est ça la voie des salafs. Et les khalafs, c'est ceux qui sont venus après les salafs. Ceux qui sont venus après les salafs, et en général, on l'emploie ce terme-là pour désigner ceux qui ont contredit la voie des salafs. Donc en général, khalaf, c'est un terme péjoratif. Mais parfois, vous pouvez peut-être le trouver employé par certains ulama pour désigner juste ceux qui viennent après les salafs, sans nécessairement impliquer que ce soit péjoratif ou que ce soit des gens qui soient déviés, mais en général c'est dans le sens péjoratif. C'est parce que le tafwid, c'est une forme de ta'til aussi. C'est les deux. C'est une forme de ta'til parce qu'il nie en disant qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire. C'est comme s'ils niaient la tribu elle-même. Tu comprends? C'est une forme de négation, parce qu'ils disent on ne sait pas ce que ça veut dire, alors que la signification, elle est connue. C'est pas quand je dis la négation ici, c'est dans le sens de pas vouloir affirmer cet attribut-là à Allah. Donc eux, ils disent pas que Allah il l'a pas révélé. Allah, ils disent oui, Allah il a révélé cet attribut-là dans le Coran, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est comme s'ils disent ce mot-là, c'est un mot chinois pour nous. C'est un mot dans une langue extraterrestre que personne ne peut déchiffrer, que personne n'a connu. Tu comprends? Donc quand tu lis ce mot-là, la main, liet, ça veut dire ça, c'est un mot dans une autre langue, extraterrestre, ou bien qui n'existe pas sur terre, que personne ne peut déchiffrer. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne savait pas ce que ça voulait dire. Même les sahaba, ils ne comprenaient pas cet attribut-là. Et ça, c'est faux. Parce que sinon, est-ce qu'à chaque fois quand il veut parler, il dit « Walladhi nafsi biyadi » Celui dans la main de qui est mon âme. Il dit à chaque fois qu'il parle, souvent il dit des choses, il dit ça. Il jure par celui qui tient son âme en sa main. S'il ne savait pas qu'est-ce que ça veut dire la main, est-ce qu'il allait dire ça? Est-ce qu'il allait pas dire aux sahaba, quand je dis « Walladhi nafsi biyadi » Pensez pas que ça veut dire la main. Parce que ça ne veut pas dire la main. Mais il aurait dit ça à chaque fois. À chaque fois qu'il aurait dit Walladhi nafsi biyadi, il aurait expliqué aux sahaba, il ne faut pas penser que Allah il a une main. Mais il a jamais dit ça. Même les sahaba, ils n'ont jamais dit quoi que ce soit de ça par rapport aux attributs d'Allah. Ni à propos de la main, ni à propos de n'importe quel autre attribut. Il n'a jamais spécifié cette chose-là. Alors pourquoi toi tu viens, tu dis on ne sait pas ce que ça veut dire, alors qu'ils savaient très bien les sahabas qu'est-ce que ça veut dire la main. Ils disent on ne sait pas qu'est-ce que la main veut dire. Ils disent Allah il a dit dans le Coran qu'il a une main. Ils ne peuvent pas nier ça, parce que s'ils nient ça, on va dire que c'est un kafir. Si quelqu'un dit il n'y a pas le mot Allah, il n'a pas attribué une main à sa personne dans le Coran. Il n'a pas dit qu'il a une main dans le Coran. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, bal yadahu mabsutatan, et il dit dans d'autres versets, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, yadullah fawqa aydihim. Dans plusieurs versets, Allah il mentionne qu'il a une main. Toi, tu ne peux pas venir et puis dire Allah il n'a pas de main. Sinon, tu es kafir. Si tu dis Allah il a pas de main, ça veut dire que t'es un kafir. Mais eux, ils disent, on sait pas la main, qu'est-ce que c'est. C'est un mot incompréhensible. Qui veut rien dire. Tu comprends? C'est ça le tafouïd. D'accord? Donc cette voie est une voie très dangereuse. Et c'est une voie d'égarement. Parmi les voix. Et parmi les gens qui font le tafouid, c'est les Asha'ira, les Maturidiya. Et vous connaissez Hassan al-Banna, par exemple, le fondateur du groupe des frères musulmans. Il s'appelle Hassan al-Banna. Il a écrit un livre qui s'appelle Al-Aqa'id. Et dedans, il parle des attributs d'Allah. Et il parle de ce qu'il prétend être la voix des salafs. Et il décrit le tafwid. Et il prétend que c'est ça la voie des salafs. Donc, Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, c'est la preuve que ces gens-là, ils déforment la réalité de ce que c'est la voix des salafs à propos des attributs d'Allah. Hein? Ils ramènent même parfois, certains vont citer des paroles attribuées à certains des imams des salafs pour essayer de prétendre que ou de supporter que eux ils affirmaient pas les significations des attributs, hein, et qu'ils faisaient pas ils expliquaient pas la signification des attributs d'Allah. Et comme par exemple, qu'est-ce qu'ils ont mentionné par rapport à certains attributs qu'ils ont mentionnés, ou certains hadiths qui sont daïfs, ou que eux ils ont mal compris, hein, qu'ils utilisent ça comme argument pour ne pas affirmer la signification de ces attributs-là. Et souvent des paroles qui sont attribuées à certains imams qui ne sont pas des paroles authentiques. Ça fait partie de leur méthode. Ils vont prendre une parole d'un des imams qu'ils attribuent à l'imam Ahmed, par exemple, une parole. Puis quand tu regardes les savants, les compagnons de l'imam Ahmad et les ulama du madhhab al-Hanbali qui connaissent bien les paroles de l'imam Ahmad, et quand ils regardent la chaîne de transmission de ces paroles-là, ils voient que ce n'est pas des paroles authentiques, attribuées authentiquement à l'imam Ahmad. Et justement, Ibn Taymiyyah, elle a parlé de ça dans son livre. Il a clarifié que certaines justement de ces attributs-là, les gens de Bid'a veulent affirmer ou bien attribuer à l'imam Ahmad, c'est pas des paroles authentiques de l'imam Ahmad. Peut-être que au prochain cours, je vous amènerai des exemples de ça, puis je vous clarifierai certains exemples pour répondre à ceux qui ramènent justement ces ambiguïtés là. Ensuite, le cheikh il dit: fa in qala qa'ilun qala cheikh al-islam rahimahullah إن طريق المفوضة هو شر أقوال أهل البدع والإلحاد وطريقهم احتوى أمرا واحدا وهو السكوت أما طريق المحرفة فقد احتوى أمرين التعطيل ثم التمثيل فكيف يكون طريق المفوضة شرا من هؤلاء فالجواب لأن طريق المفوضة قدح في القرآن إذ إنه يقتضي أن القرآن أتى بكلام لا فائدة منه بل مجرد لغو وقدح في الرسل أيضا لأنهم يتكلمون بكلام لا يفهمون معناه فرسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ولا يعرف معنى ينزل ويقول إن الله يقول كذا وكذا ولا يعرف معناه فهو قدح في الرسل وقدح في المرسل في المرسل به وقدح في المرسل أيضا ولهذا يقول إن أقوال أهل التفويض فتحت باب الفلسفة والمناطقة والباطنية لأن الباطنية يقولون نحن نعلم من كتاب الله ما لا تعلمونه أنتم فأنتم جهال ونحن أصحاب العلم فمن أجل هذه اللوازم الباطلة صار من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. Donc le cheikh il explique, il dit que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit rahimahullah que la voix des gens de Tafwid, Al-Mufawwida, elle est plus mauvaise que la parole de toutes les autres paroles de gens de Bid'a et d'Ilhad. C'est la pire de toutes les paroles des gens de Bid'a et d'Ilhad, de Bid'a et d'athéisme, ou de déviation, hein, de Bid'a et de déviation. Parce que Ilhad, ça veut dire, hein, Al-Mail. Donc ça peut être différentes formes de déviation, et parmi les déviations, l'athéisme. Donc il dit que la voix des Mufawwida, on l'a expliqué, c'est la voix des Mu'attila, et ça implique une chose, de se taire, hein, et de nier l'attribut, Hein, tu te tais à propos de l'attribut, tu dis on ne sait pas ce que ça veut dire. Tandis que la voix des muharrifa, ceux qui font le tahrif, eux, leur voix comprend deux problèmes ou deux erreurs. Premièrement, la négation, puis ensuite, le fait de vouloir faire ressembler l'attribut à l'attribut, les attributs des créatures à l'attribut du créateur, puis d'essayer de lui donner une autre signification. Donc ça, c'est, en principe, c'est plus grave, puisque ça comprend plus de problèmes que la voix des Mufawwida. Alors il dit, comment dans ce cas-là vous dites que la voix des Mufawwida, elle est plus mauvaise que celle-là? Et le Cheikh, il dit, la réponse à ça, c'est que la voix des Mufawwida, c'est une attaque contre le Coran. Hein, c'est comme si tu dénigres le Coran. Et tu négres. Pourquoi? Parce que ça implique que le Coran mentionne des choses sans qu'il y ait aucun bienfait dedans, aucune utilité. C'est comme s'il y a des choses qui seraient mentionnées dans le Coran sans aucune utilité, sans que ça serve à quoi que ce soit, en fait. Donc, quand quelqu'un dit ça, ça implique une signification totalement dégradante, hein, insultante pour le Coran. C'est comme si tu dis, il y a des versets dans le Coran, ils n'ont aucune utilité. Ils ne servent à rien du tout. Puisqu'on ne sait pas ce qu'ils veulent dire, ils ne veulent rien dire. Hein? Et c'est également un dénigrement pour les messagers et une attaque envers les messagers parce que ça voudrait dire qu'ils disent des paroles, les messagers disent des paroles dont ils ne comprennent pas du tout le sens. Donc ils diraient des choses sans savoir même qu'est-ce qu'ils disent. Hein? Comme par exemple lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah, notre Seigneur, descend au dernier des cieux. Hein, on dirait, on ne sait pas qu'est-ce que le mot yanzil signifie. C'est-à-dire, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire descendre. C'est-à-dire, le mot yanzil, ça veut rien dire. C'est un mot impossible à définir. Ou bien, quand on dit par exemple que Allah a dit telle ou telle chose, on ne sait pas ce que ça veut dire a dit. Hein, yaqul. Hein, parce que eux, ils refusent d'affirmer que Allah parle ou qu'il a l'attribut de la parole. Donc ça, c'est une attaque contre les messagers aussi. Hein? Puisque tu es en train de dire que les messagers ne savent pas ce qu'ils disent. Hein? Ils disent des choses sans comprendre qu'est-ce qu'ils disent eux-mêmes. Il dit donc que c'est une attaque contre celui qui a reçu le message, c'est une attaque contre celui qui a révélé le message, Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une attaque aussi contre le Coran lui-même, qu'est-ce qui a été révélé. Il dit, et également, Ibn Taymiyyah, il dit que la parole des gens de Tafwid, elle a ouvert la porte aux philosophes et aux Batiniyyah, aux gens de Batiniyyah, c'est-à-dire les différentes sectes ésotériques, comme les Ismaélites et autres, qui disent, vous savez pas ce que ça veut dire? Nous, on le sait. Parce que vous êtes des ignorants. Nous, on a la connaissance. Donc, ils viennent avec leur interprétation. Puis, une fois que tu n'as pas dit... une fois que tu viens d'admettre que toi, tu ne sais pas ce que ça veut dire, et que même les prophètes ne savent pas ce que ça veut dire, et que eux ils viennent et disent, nous, on sait ce que ça veut dire, tu ne peux pas leur dire que leur définition ou leur interprétation, elle est fausse. Parce que tu viens d'admettre que tu ne savais pas. Donc, si tu dis... votre interprétation est fausse. Eux, ils vont dire, mais vous pouvez pas nous dire qu'elle est fausse puisque vous dites que vous savez pas ce que ça veut dire. Donc, puisque vous savez pas, nous, on le sait. Hein? Et donc, ça leur ouvre la porte à interpréter la religion comme ils veulent et à jouer avec la religion. Exactement. Hein? Donc, c'est ça le danger de cette voix de ce qu'on appelle la voix des Mufawwida. Parmi les Batiniyyah, hein, il y a plusieurs groupes. Comme je vous ai mentionné les Ismaéliyyah, hein, mais il y a aussi d'autres groupes parmi eux. C'est des gens qui croient, mais il y a des soufis aussi. Parce que beaucoup de soufis, hein, ils utilisent ça. Ils disent qu'il y a un sens caché à la religion. C'est ce qu'ils disent, qu'est-ce qui est al-batin, al-haqiqa. Hein, oui, c'est ça, le sens mystique caché de la religion. C'est ça, exactement. Donc c'est ça. Ça, ça fait partie des exemples de l'batiniya. Al-batiniya, ça vient du mot batin. Batin qui veut dire qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est intérieur. Et donc, ils disent, vous, vous êtes ahlul zahir, et nous, on est ahlul batin. Ok? Donc, vous, vous connaissez juste le sens apparent. Nous, on connaît le sens caché de la religion. Le sens caché du Coran. Que seuls nous peuvent connaître. Seuls nos initiés et les élites peuvent connaître. Même les prophètes, ils ne le connaissent pas, ce sens-là. Et même les ulama de la charia, ils ne connaissent pas. Donc, il y a les Ismaïliya, il y a les Druz, il y a les Nusayriya. Ça, ça fait partie des groupes ésotériques. Il y a aussi les... Il y a, même, on peut rentrer les Rafidah là-dedans, parce qu'ils ont beaucoup de croyances comme ça, les Rafidah. Il y a les Soufiya qui rentrent là-dedans aussi, certains groupes extrémistes parmi les Soufiya. Ils ont ça aussi. Et il y a aussi, par exemple, il y a plein d'autres sectes comme ça qui apparaissent avec des interprétations ésotériques de la religion. Et donc c'est ça. Ils disent, vous vous dites que vous savez pas, nous on le sait. Et si tu veux leur dire non. C'est pas bon qu'est-ce que vous dites, ou c'est faux ce que vous dites. On dit, mais vous pouvez pas dire que c'est faux, parce que vous savez pas. Hein? Donc c'est pour ça que c'est dangereux, hein, pour ces gens-là d'avoir ouvert cette porte. Ça a ouvert la porte à ces gens-là de rentrer pour justement jouer avec l'essence de la religion par la suite. Il dit ensuite le shaykh, فَإِنْ قَالَ قَائِلْ إِنَّ الْكَلَامَ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ دائر بين الإثبات المطلق وبين الإنكار ونحن لكي نسلم من الإنكار والجحد ونسلم من التمثيل ندع آيات الأسماء والصفات تمر كما هي ونسلم في آخرتنا ولا نسأل عنها فالجواب أن نقول إن هذا هو مذهب أهل التفويض ونقول قولك هذا من شر أقوال أهل البدع لأن الله تعالى أنزل القرآن باللفظ والمعنى وأمرنا بتدبره فكيف نتدبر شيئا لا يمكن الوصول إلى معناه. Donc le cheikh dit, si quelqu'un disait par exemple que la parole au sujet des noms et des attributs d'Allah, elle tourne autour de l'affirmation totale, hein, ou de l'affirmation générale, ou de la négation. Et il dit, nous, pour être exemptés de la négation et du rejet des attributs, et pour être épargnés de la ressemblance entre les attributs des créatures et les attributs du créateur, eh bien, on va laisser les textes du Coran et de la Sunna au sujet des noms et des attributs tels quels, hein, et on va donc être épargné dans notre au-delà, et on va pas être questionné à ce sujet-là, hein. Donc on va pas dire qu'elles ont un sens ou une signification. Et le cheikh, il dit, la réponse à ça, c'est de dire que ça, c'est la voix des gens de tafwid, hein, parce que quand tu dis, hein, quand tu dis ça, tu dis la pire des paroles des gens de bid'ah, c'est celle-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre le Coran, il a fait descendre la lettre et la signification. C'est-à-dire, il a fait descendre le texte du Coran et sa signification aussi. Pas seulement le texte. Et donc, il nous a ordonné de méditer et de réfléchir sur sa signification. Et comment pourrions-nous méditer sur quelque chose si il est impossible pour nous d'arriver à le connaître ou à le comprendre? Pourquoi Allah nous aurait dit de méditer sur ces versets et sur ces signes si c'est quelque chose d'impossible? Hein? Ça ferait pas de sens. Il y aurait pas de sagesse. Et qu'est-ce qui est plus important parmi tout ce qui est mentionné dans la révélation du Coran et de la Sunna. Et qu'est-ce qui est révélé au sujet de la religion d'Allah? C'est quoi dans tout ça qui est plus important que tout le reste? Est-ce que c'est pas de connaître Allah et de savoir, hein, le connaître pour être capable de justement savoir qui est notre Seigneur, pour être capable de l'adorer, pour être capable de le craindre, pour être capable de l'aimer, hein? Si tu le connais pas, tu peux pas l'adorer. Donc la plus importante des choses à connaître dans la religion de l'islam, avant même de connaître comment faire la salat, le jeûne, la purification et tout ça, c'est bien de connaître Allah, qui il est, hein? Et donc si il nous aurait pas permis de connaître la signification de ses noms et de ses attributs, et que tous ces noms et ces attributs là avaient des significations dont le sens est impossible de connaître, et que c'était comme des mots chinois ou dans une autre langue inconnue, eh bien dans ce cas-là, ça voudrait dire que il n'y aurait aucun bienfait à avoir révélé les noms et les attributs et à nous les avoir fait connaître. Hein? Et donc c'est là que tu vois, yani, l'absurdité de la position de ces gens-là. Surtout que, comme les ulama ils l'ont mentionné, on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tout enseigné, même comment aller faire nos besoins et comment se nettoyer, comment se purifier quand on va aux toilettes. Il va nous expliquer ces choses-là et il va pas nous enseigner à propos d'Allah et qui il est. Qu'est-ce qui est plus important, hein? C'est de connaître Allah, de connaître ses noms et ses attributs. Donc de penser qu'il nous aurait juste mentionner les lettres du Coran et des noms et des attributs. Tu sais que Allah il est Ar-Rahman, mais tu sais pas ce que ça veut dire. Ar-Rahim, tu sais pas ce que ça veut dire. Al-Qawi, Al-Aziz, tu sais pas ce que ça veut dire, hein? Ou bien à propos des attributs, quand il dit qu'il a une main, tu dis je sais pas ce que ça veut dire. Qu'il est au-dessus de son trône, tu dis je sais pas ce que ça veut dire. Tout ce que tu dis à propos d'Allah, tu dis je sais pas ce que ça veut dire. Alors ça veut dire tu connais même pas celui que tu adores. Hein? Ça fait pas de sens. Hein? Donc il y a la différence, comme je disais tout à l'heure, entre le comment et la signification. Le comment, on peut pas le connaître. Parce que ça c'est au dehors de la limite de notre compréhension. Comment Allah il crée, comment Allah il sait toutes choses, comment Allah subhanahu wa ta'ala s'élève sur le trône, comment est la main d'Allah, hein? Les ulama, ils ont dit, de la même manière que tu peux pas connaître Allah lui-même, comment il est, tu peux pas connaître non plus ses attributs, comment ils sont. Al-qawlu fi sifat, qu'al-qawlu fi dhat. C'est-à-dire, la parole à propos des attributs, c'est la même chose que la parole à propos de l'être. Si tu peux pas connaître le comment de Allah, comment il est dans son être est, et tu peux pas connaître non plus comment sont ses attributs non plus. Mais tu peux savoir la signification des attributs et des noms d'Allah. Hein? Et comme on l'a expliqué déjà, quand Allah il mentionne un de ses noms, c'est toujours relié à un attribut, parce que les noms ont des sens et les sens de ces noms-là, c'est des attributs. Comme tu dis qu'il est Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ar-Rahman. Ar-Rahman, ça vient de Ar-Rahma. Et Ar-Rahma, c'est un attribut d'Allah. Allah, il est Al-Alim. Et Al-Alim, ça vient de Al-Ilm. Et Al-Ilm, c'est un attribut d'Allah. Et quand tu dis qu'il est Al-Hakim, il a Al-Hikma. Et donc, Al-Hikma, c'est un de ses attributs. Allah, subhanahu wa ta'ala, il est Al-Qawi. Il a Al-Quwa. Il est Al-Qadir. Il a Al-Qudra. Et il est Al-Aziz. Il a Al-Izzah. Et ainsi de suite. La signification de ces noms sont des attributs aussi. D'accord? Donc, on va s'arrêter aujourd'hui à ce point-là. On continuera la suite au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.